Donc, Yannick, comme à chaque mois, c'est la chronique sur les utopies concrètes. Bienvenue d'abord dans nos studios. Bien, merci. Merci de m'accueillir. C'est tout un accueil ce matin. Je rappelle à vos auditeurs que vous êtes économiste, mais aussi blogueur invité au Voir, responsable des recensions d'essais sociopolitiques au Huffington Post, chroniqueur en économie des arts au webzine Radville et auteur de nombreux articles et chapitres de livres. Vous êtes régulièrement appelé à commenter l'actualité économique et politique dans de nombreux médias canadiens et étrangers. C'est le troisième sujet de votre chronique mensuelle. Un mot d'abord sur cette chronique, les utopies concrètes. Bien, en fait, on essaie ensemble de voir comment des utopies, donc des rêves d'un monde meilleur, pourraient être concrètes, donc pourraient s'appliquer effectivement dans la réalité en donnant, si possible, quelques exemples. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement d'autogestion. L'autogestion. On va d'abord commencer, on va y aller en trois étapes comme chaque fois. On va d'abord commencer par présenter, bon, quel problème on essaie de résoudre. Et puis ensuite, on va voir l'explication, puis les propositions. Mais commençons d'abord par le problème. Mais en fait, c'est un problème un peu flou et vaste en quelque sorte, mais que j'identifierai de la façon suivante, c'est que le capitalisme tel qu'on le connaît présentement et depuis, disons plus spécifiquement, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, est un capitalisme, comme on sait, davantage financiarisé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être davantage financiarisé? Ça veut dire, entre autres, que les actionnaires, donc les propriétaires des entreprises, cherchent d'abord et avant tout le profit le plus immédiat possible. Autrement dit, l'actionnariat financier se préoccupe peu de la destinée concrète des entreprises, de ce qu'elles font, mais s'intéresse davantage, ou voire uniquement, aux profits, aux bénéfices qu'ils peuvent en retirer sous forme de dividendes, voire en revendant les entreprises. Alors ça pose un problème parce que ceux qui tirent les ficelles du pouvoir économique, en quelque sorte, sont déconnectés, entre guillemets, de l'évolution à long terme, de la vision d'une entreprise qui pourrait avoir, comment dire, beaucoup plus, un nombre d'objectifs beaucoup plus grand dans sa vision, pourrait se préoccuper davantage, je ne sais pas moi, de la communauté dans laquelle elle est établie, de l'environnement, de la santé des travailleurs, de leur développement personnel, etc. Donc, l'autogestion, en quelque sorte, répond à cette déconnexion-là en donnant un contrôle, autrement dit, à ceux qui font la production dans ces entreprises. Oui, et vous avez des exemples? Oui, les exemples sont multiples. L'autogestion, au sens très... C'est un terme très large qui regroupe beaucoup de formes d'activités économiques. Celle qu'on connaît le plus, c'est la coopérative, évidemment, qui est la forme peut-être la plus aboutie. Qui s'est développé tout au long du 20e siècle, comme on le sait. On a d'ailleurs au Québec un historique très important en termes de développement de coopératives. Évidemment, l'emblème de l'histoire du coopératisme au Québec, c'est bien sûr Desjardins, mais il y a de nombreux exemples. En revanche, les coopératives de travailleurs, donc là où on parle vraiment d'autogestion, ce sont les travailleurs, les ouvriers qui contrôlent et qui possèdent l'entreprise, qui contrôlent la destinée de l'entreprise et qui la possède. Ça, on en voit un peu moins. Il y a un exemple fabuleux et très connu qui est à très grande échelle, c'est la corporation Mondragon au Pays Basque espagnol. Mondragon, c'est quoi? D'abord, ça a été fondé dans l'après-guerre par un catholique, par un prêtre qui voulait relancer un peu la vie sociale et économique de sa communauté qui était dévastée par la crise économique. Donc, ça a été fondé en 1956, et aujourd'hui, cette corporation-là, qui est une espèce de grand, un ensemble de plusieurs entreprises, compte près de 300 entreprises et emploie plus de 80 000 personnes. Donc, vous voyez, c'est immense pour un chiffre d'affaires là, de près de 20 milliards de dollars canadiens. C'est donc très vaste. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité de ce groupe Mondragon? Mais d'abord, ça regroupe, comme je viens de le dire, un grand nombre d'entreprises sur toute une région. Alors, c'est à peu près toutes les entreprises de la région sont des coopératives ou presque. Ça, c'est sa première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est une corporation, donc ce sont toutes les entreprises qui offrent à leurs sociétaires travailleurs, donc qui sont membres de la coopérative, un emploi permanent à vie. tout le monde est employé de façon permanente à vie. pardon. Et s'il y a des ajustements à faire, par exemple en cas de crise économique, si une de ces entreprises-là va moins bien, collectivement, on décide qu'est-ce qu'on fait de ces travailleurs-là. Soit on les envoie en formation, on les transfère dans d'autres entreprises, etc. Mais on préserve toujours leur pouvoir d'achat, leur revenu et évidemment leur emploi. Et ça fonctionne très bien. Donc, c'est une entreprise qui est profitable, qui grossit d'année en année. D'ailleurs, maintenant, elle ne grossit que par acquisition d'autres entreprises. Dont le succès le plus marquant, je dirais, c'est de n'avoir jamais subi de crise. C'est-à-dire que depuis 1956, ces entreprises-là, bien sûr, ont subi les contre-coups des crises économiques de leurs clients, puisqu'ils exportent beaucoup. En revanche, par décision collective, ils se sont toujours virés de bord, comme on dit au Québec. Ils ont toujours pris des décisions pour survivre à ces moments difficiles-là. Et un des facteurs de succès formidables, c'est basé sur l'éducation, la formation et la recherche. Ils mettent énormément d'énergie en formation, en éducation, en recherche de très haut niveau même. Ça a assuré jusqu'à maintenant la pérennité de cet ensemble d'entreprises. Et comment fonctionne l'autogestion? Ben, évidemment, il y a plusieurs modèles différents. Il y a des modèles qui sont ultra démocratiques, c'est-à-dire qu'à peu près, on voit ça beaucoup en Amérique latine particulièrement, là, notamment au Venezuela et en Argentine, où au sein de l'entreprise, là, il n'y a aucune hiérarchie. Les décisions se prennent de façon collective, à tout niveau, là, que ce soit les questions de ressources humaines, de fabrication, de vente, etc. Donc, il y a des modèles vraiment là, hyper démocratiques. Les modèles plus classiques, comme celui que je viens de parler en Espagne, Mondragon, fonctionnent par démocratie représentative, en quelque sorte. On élit des gestionnaires, donc il y a des élections à chaque année, par exemple, pour décider qui va gérer l'entreprise, etc. Donc, les modèles sont assez variés, mais à la base, il y a toujours la notion que ce sont les travailleurs qui décident de leur propre sort démocratiquement, après délibération, après discussion. Et souvent, comme je continue à me référer à Mondragon, souvent ancré dans les besoins plus larges de la communauté. Autrement dit, les décisions qu'on prend, oui, on les prend pour l'entreprise elle-même, ou dans ce cas-ci pour le groupe d'entreprise, mais aussi en fonction des besoins de la communauté, que ce soit en éducation, que ce soit par l'achat de marchandises premières, qu'on s'assure d'être équitable, par exemple, ou de respecter les droits humains de manière plus sévère, etc. Donc, ces décisions sont ancrées non seulement dans la vie de l'entreprise, mais dans un ensemble plus vaste qui est celui de la communauté. Et si on descendait un peu au niveau du Québec, oui. Est-ce que c'est très répandu, l'autogestion? C'est peu répandu. Il y a plusieurs exemples qui existent dans l'histoire, mais il n'y a pas des masses d'exemples. Ça revient, j'allais dire à la mode, mais c'est pas le bon terme. L'intérêt est renouvelé pour ce genre de modèle-là de plus en plus. L'année dernière était l'année internationale des coopératives, d'ailleurs. Le Québec était un fer de lance cette année-là. On voit souvent des travailleurs racheter leur entreprise en difficulté. C'est le modèle un peu plus classique qu'on connaît en Amérique du Nord, donc au Québec. Par exemple, il y a une imprimerie dont le nom m'échappe, mais elle est située dans la région de Rimouski, qui était mise en vente par un grand groupe là, possédant plusieurs imprimeries. Les travailleurs, pour raison de désuétude, les travailleurs ont décidé de racheter cette imprimerie-là et de la transformer en une imprimerie un peu plus artisanale ou haut de gamme, si on veut, donc moins industrielle. Alors, les modèles qu'on voit souvent en Amérique du Nord, ben et même, je vous dirais, c'est comme la porte d'entrée généralisée en grande partie, c'est effectivement les travailleurs qui, plutôt que baisser les bras et accepter que l'entreprise ferme ses portes, vont racheter les actifs, souvent appuyés d'ailleurs par l'État, pour la transformer ou à tout le moins tenter de la faire survivre. Si on voulait faire de l'autogestion, est-ce qu'il y a une façon de s'y prendre? Il y a des travailleurs actuellement, bon, ils sentent que ça va pas trop bien, puis peut-être qu'éventuellement même ils devraient songer soit à trouver autre chose ailleurs ou à peut-être même démarrer eux-mêmes une entreprise dans leur domaine de compétences. Comment on s'y prend? Bien, il y a beaucoup de ressources qui existent. Il y a la Fondation des coopératives, par exemple, au Québec, qui aide à ce niveau-là. Il y a des groupes spécialisés au sein de Desjardins également qui aident à ce niveau-là. Il y a énormément d'expertise internationale là-dessus. Dans le fond, c'est pas sorcier dans le sens où c'est de la gestion ou du démarrage d'entreprise classique, c'est l'actionnariat et le mode de prise de décision qui diffère. Bien sûr, ça peut compliquer les choses puisqu'on si on est dans un mode démocratique, il y a des discussions qui sont par définition nécessaires, il y a des délibérations, des oppositions, tout le monde ne sera pas d'accord, etc. Mais au final, ça demeure la gestion d'une entreprise qui doit faire face aux mêmes défis que les autres de mondialisation, de concurrence, etc. C'est davantage donc dans l'organisation des décisions qu'est le défi finalement. Okay. Au fond, l'autogestion, c'est que les travailleurs se mettent ensemble, font des assemblées, prennent des décisions, mais ils doivent aussi se munir de tout ce que comporte la gestion d'une entreprise. Exactement. On peut pas passer à côté. Exactement. On peut pas s'improviser plombier, on peut pas s'improviser gestionnaire d'entreprise. Donc, on doit là aussi avoir les compétences, les ressources nécessaires pour le faire, bien évidemment. Et le succès d'entreprises comme, bon, je reviens à Mondragon au Pays Basque, de ces entreprises-là, c'est d'avoir compris que on peut changer le monde en étant propriétaire de nos propres entreprises de façon démocratique et de les gérer de façon démocratique, mais ne pas oublier qu'on demeure dans un monde capitaliste et qu'on doit non pas se plier nécessairement à ses lois ou à ses dictats, mais comprendre qu'on joue avec ce monde-là. Et ils ont, dans leur cas, fort bien réussi. Le quart de la production de la région maintenant est exporté à l'international. C'est incroyable. Donc, on concurrence là les grands groupes étrangers qui, eux, fonctionnent sur un mode capitaliste standard et ont réussi à vendre, donc, en l'occurrence, pour une valeur d'à peu près 5 milliards de dollars canadiens par année à l'étranger avec la concurrence standard. Donc, ils ont intégré leur capacité à fonctionner dans le système standard, en quelque sorte. Moi, j'ai envie d'ajouter, Yannick Marcel, que peu importe que ce soit un système capitaliste ou, imaginons, tout autre système, de toute façon, ça prend des gens en mesure, finalement, de prendre des décisions de gestion. Absolument. Au final, il faut que l'entreprise fonctionne. Et... On est un peu comme ça ici à CKRL. Voilà. L'entreprise, dans un sens, autogérée. CKRL sont exactement. Des membres, ce sont des producteurs, mais il y a quand même une direction. Il y a quand même une direction de la programmation. Donc exactement. Et les organismes sans but lucratif, en général, fonctionnent un peu avec cette même logique-là. Ouais. C'est pas parce qu'on est sans but lucratif qu'on doit pas arriver à... que le bilan ne doit pas être équilibré à la fin de l'année. L'important, c'est de ne pas perdre son âme. On s'en parlait avant d'entrer en onde. Il y a Claude Bellan récemment qui critiquait le mouvement Desjardins parce qu'il trouvait effectivement que ce mouvement coopératif était un peu en train de perdre son âme. Voilà, qui était beaucoup moins démocratique et coopératif qu'il ne l'était auparavant et qui s'assimile maintenant davantage à une banque comme n'importe quelle banque, effectivement. Ouais. Ben, c'était très intéressant, Yannick Marcel. On va quand même profiter du fait que vous êtes avec nous parce que vous êtes à Québec. Évidemment, on est très content de vous avoir dans nos studios, mais vous êtes ici pour une autre raison. Vous êtes ici pour participer au Forum des artisans du changement. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce forum? Donc, c'est la troisième édition du Forum pour des artisans du changement qui réunit, comme son nom l'indique, des agents de changement, c'est-à-dire des individus de toutes les sphères d'activité, que ce soit en sciences, des militants écologistes, des militants communautaires, des artistes, etc., qui, pour plein de raisons ou de diverses manières, cherchent à changer le monde, grosso modo. Donc, à améliorer notre vie collective. Et ce forum, puisque c'est un forum, donc, rassemble des gens qui sont invités à venir, comme je le suis, parler de leur parcours, montrer comment, comme individus, ils peuvent réussir, ne serait-ce qu'à toute petite échelle, à changer les choses par leur activité professionnelle ou militante ou citoyenne, et donc à échanger avec les participants sur les possibilités de le faire et les difficultés d'y arriver, évidemment, puisqu'il y en a. Donc, pendant tout le week-end, à l'espace 400e, il y a des gens comme moi qui échangent dans le cadre d'ateliers avec les participants sur concrètement comment on peut améliorer les choses par nos activités professionnelles ou citoyennes au jour le jour. Oui. J'oserais vous poser une autre question, Yannick Marcy. Allez-y. Cette semaine, il y a Michel Tremblay qui a décidé de ne plus vendre ses livres à Costco parce qu'il ne voulait pas accepter les conditions que lui demandait Costco. Qu'est-ce que vous pensez de sa décision? Bien, évidemment, je ne peux être qu'en accord pour une raison bien précise. Premièrement, je suis en faveur d'une réglementation du prix du livre. Je me suis prononcé publiquement à l'Assemblée nationale à cet égard. Parce que des géants comme Costco nuisent largement à l'ensemble de la chaîne du livre. En nuisant aux petites librairies, on nuit à l'ensemble des chaînes du livre. Et cet exemple-là illustre très bien les craintes qu'on a de ce qui pourrait arriver dans le futur. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques joueurs très gros et très puissants qui dictent la manière de faire dans l'industrie, entre guillemets, donc dans le milieu du livre. Alors, Costco a voulu revoir ses conditions de distribution, etc., de vente et tout, à l'EMEAC, l'éditeur de Michel Tremblay, qui a refusé, disant que c'était inadmissible. Et donc, Michel Tremblay et son éditeur se sont entendus pour ne plus vendre le livre chez Costco. C'est évidemment, c'est un emblème très fort, puisque Michel Tremblay est quand même une de nos grandes vedettes de la littérature québécoise. Et ça envoie un signal fort que même Michel Tremblay, qui n'a plus rien à prouver, plus rien à perdre non plus, n'accepte pas qu'on vienne fragiliser l'industrie du livre. Alors moi, je pense que ça doit être souligné très positivement. L'industrie du livre étant l'éditeur, les éditeurs et aussi les libraires. Parce que les éditeurs, les libraires, malheureusement, les diffuseurs. C'est ça, malheureusement, les librairies tombent. Absolument. Derrière les autres, c'est dramatique. Oui, et c'est un ensemble de joueurs. Hein. C'est pas juste, c'est de l'auteur au lecteur. Là, il y a l'éditeur, bien sûr. Il y a le diffuseur, le distributeur qu'on connaît beaucoup moins, mais qui joue un rôle super important. Il y a évidemment le libraire, mais qui tous jouent ensemble ou travaillent ensemble pour assurer la vitalité du milieu du livre avec les bibliothécaires, avec un paquet d'autres joueurs. Et c'est un écosystème qui est très, très, très fragile. Bien, Yannick Marcil, merci. Merci de ce passage dans les studios de CKRL. Ça fait grand plaisir. On se reparle dans un mois.